je n'admets pas d'avoir la pensée de tous les hommes de la Terre dans mes testicules et dans mon sexe, sous prétexte que ce qu'ils contiennent est bon à prendre pour soutenir la vie d'un chacun. Et j'admets encore moins que mon sperme, non quand je dors mais quand je veille, me soit soutiré de force par de soi-disant esprits qui n'en sont pas mais sont des âmes entrées en esprit dans ma colonne vertébrale et me désirant assez pour aimer tout ce qui vient de moi et que ce sperme me soit ensuite arraché d'entre les cuisses par une pression du doigt à distance sur mes testicules, laquelle est beaucoup plus pour moi une offense qu'une douleur, car les douleurs furent toujours de mon frère. Mais il y a quelqu'un qui m'a toujours aimé pour tout ce que j'avais de bon ainsi en moi, non seulement dans mon corps mais dans mon âme. Et ce quelqu'un qui m'aime, et il n'y a que quelques années que je sais que cet amour est allé à l'hystérie de la folie occulte et de la haine pour mon individu. Ce quelqu'un s'appelle Dieu et Jésus-Christ, car tous les prêtres eurent toujours la plus excessive tendresse pour ma dévotion et ma piété. Je ne savais pas tout d'abord, mais j'ai su il y a quelques années que toutes les messes de la terre étaient axées sur ma piété. Et je n'admets pas comme cela ici m'a été insinué par vos fidèles et par vos prêtres qu'il m'ait été dit ici à la seule idée de mon départ de France et de Rodez. Monsieur Artaud, on ne s'en va pas comme cela, et il faut encore donner ceci aux chrétiens pour avoir le droit de vous en aller, et ceci est un certain petit calcul séminal de substance, jour après jour formé derrière mon cœur, sur lequel les culs de tous vos prêtres et de tous leurs fidèles sont assis, et dans lequel chaque prêtre, en disant la messe, puise la décharge magnétique et magique de l'élévation du Saint-Esprit et de la descente de Jésus-Christ. Or, je ne suis pas le Saint-Esprit ni Jésus-Christ pour descendre ainsi dans les messes, et je n'aime pas beaucoup ce genre de plaisanterie, car ce qu'on appelle le Saint-Esprit ne fut jamais qu'à mon épouvantable sueur une pullation de matière cérébrale à moi sacrément tellement extirpée, et qui, par les rites magnétiques et magiques de l'élévation et de la consécration, de l'abomination, de la scission, de la suffocation et de la transsubstantation, est appelée hors de ma tête afin d'aller nourrir les âmes, c'est-à-dire les corps éprouvés de tous les rats, de toutes les belettes, de tous les bœufs, de toutes les bêtes, de tous les péteux et de tous les pieux qui, avec mon corps jeté hors du calvaire, lorsque déjà je m'appelais Artaud, il ne fut jamais que Monsieur Artaud, on fomentait la religion de Dieu. J'étais au Golgotha il y a 2000 ans et m'appelais comme toujours Artaud et détestais les prêtres et Dieu. Et c'est pourquoi j'ai fui mis en croix par les prêtres de Jéhovah comme poète et illuminé, et jeté ensuite dans un tas de fumier. Mais je ne pourrirai plus dans un tas de fumier comme il y a 2000 ans, à attendre comme je le fis alors la conscience d'être mort pour parvenir à me relever. Car sans tambour ni trompette et loin des mythes de la résurrection, je me suis tout simplement relevé. Je connais la seule petite clope l'affreux petit envoûteur de Judée que toute la chrétienté actuelle adore et qui se fit prendre alors comme ressuscité dans la lumière sous la dénomination de Jésus-Christ quand il n'était qu'un certain monsieur Nalpa. Pour moi, je ne suis pas en ce moment aux catacombes et les fluides de ma tête sont des poupées tirées de moi par masturbation et par messe, par succubat oculatoire de messe, afin de produire des angelots et des saintes, des petits Christ horrifiés et sculptés, des petites vierges peintures lurées. Ni conscience dedans, et à l'abri de laquelle parle, de laquelle statue n'existante parle, n'importe quel tartuffe hypocrite d'église, et parle chaque prêtre criminel de l'église, car chaque prêtre est un criminel, et tous les prêtres ne m'ont jamais pris que pour un tronc, un vieux tronc bouillant de tempête, et qui dans l'attente de faire sortir sa tempête, et tandis qu'il mûrissait en d'invisibles tempêtes, s'est vu ronger et gangréné par tous les parasites et lâches, tous les voyageurs de ces tempêtes internes qui voulurent muffer en prière d'excellence de son âcreté. C'est-à-dire que pour les prêtres et pour leur rite, je ne fus jamais qu'un tronc fournisseur à qui les prêtres ont toujours dit « Donne, tu n'es pas Dieu, c'est le pur esprit qui est Dieu, et ce pur esprit c'est nous-mêmes, la sueur de ton propre tronc. Tu n'es qu'un homme, ô inerte tais-toi, donne !» Et en plus, prends ceci, et ceci est un envoûtement assassin, un certain coup sur les testicules ou la nuque, pour oublier que tu as donné, et que c'est toi qui as tout donné. Oh, moi, Monsieur Artaud, je n'ai rien à faire de Dieu, et je n'admets pas qu'on fonde une religion sur mes vertèbres ou mon cerveau. Et je n'ai sombré un jour dans les communions et dans la messe parce que j'ai été à ma naissance baptisé. C'est pourquoi moi, je renie le baptême. Et je ne sais si, comme disent le livre, c'est le mot de passe de l'Antéchrist. Et je n'ai jamais rien eu à voir ni avec le Christ, ni avec l'Antéchrist. Étant homme et n'ayant jamais voulu être autre chose qu'un homme, est toujours homme. Mais mon baptême, pour commencer, est le baptême. Je le renie, ne voulant pas avoir été trempé dans les eaux de l'esprit pour y fondre ma conscience jusque-là trop brûlante pour Dieu, m'ayant toujours voulu faire toute ma conscience avec la souffrance virile du père-mère de mon corps, le sexe ardent de la GN, le gisant d'âme qui, par haleine, racle sur soi le fond de haine pour en faire par J de haine, si J la tombe de la haine, le jet totem humus d'amour.